partager la bonne nouvelle de l'évangile du Christ en montrant le chemin de la vie éternelle et être en communion parfaite avec le Christ est notre priorité. Tu es là et... Eric Okwame, le serviteur infatigable du Seigneur, vous donne rendez-vous tous les mardis à partir de 17h dans votre émission chrétienne, l'heure du salut. Rediffusé le dimanche à 20h sur la radio Béquet FM. Ensemble, proclamons la bonne nouvelle de l'évangile dans votre émission chrétienne, l'heure du salut. Que vaillant, âme vaillante, communément appelée CVAV, nous avons le plaisir de les recevoir sur notre plateau, bien-aimés de Dieu. Et avec eux, nous allons parler de leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente et du jeune chrétien en milieu scolaire et associatif. Alvina est là, Fatem également est là. Vont-elles se chamailler? C'est de bonne guerre. Voilà, bien-aimés de Dieu, retenez tout simplement que vous êtes en direct de la radio Béquet FM et vous suivez votre émission L'heure du salut. Et vous faites toujours bien de nous suivre, bien-aimés de Dieu. On va maintenant s'installer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ avec Atoms et Nadège qui nous chantent « Je crie à toi ». Touché dans mon corps, touché dans mon esprit. Touché dans mon âme quand je m'approche. Béquet FM, la radio jusqu'au bout du monde. Je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom. Tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, oh, oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, je crie à toi, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, je crie à toi, oh, oh, oh, oh, oh, oh, alléluia, je crie. Qu'on l'appelle. Je crie à toi. Oui, bien-aimés de Dieu, en ce 2 mai 2023, vous êtes toujours en direct de la radio Béquet FM et vous suivez votre émission L'heure du salut. Aujourd'hui, nous parlons de leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente et du jeune chrétien en milieu scolaire et associatif. Nos invités sont là, ils vont se présenter dans quelques petites secondes et ensemble, on va parler de la parole de Dieu. Tout de suite, Alvina, Fatem, c'est bon, ça va? Parfait. La fête du travail, ça s'est bien passé hier? Oh, mais merveilleusement bien. Est-ce que vous travaillez même? Mon cher, on fait l'œuvre du Seigneur. Je pense que c'est payant plus que tout travail sur terre. Ok. Alors, est-ce que vous savez que dormir et se réveiller, c'est un travail? Ah, d'accord. Manger même, c'est un travail. Donc, on vous a célébré aussi. Tout à fait. Ah, d'accord. Donc, voilà, nous disons comme ça, merci à Dieu pour tous les travailleurs de ce monde. Et puis, ceux qui sont en quête d'emploi, que le Seigneur fasse qu'il puisse trouver quelque chose. Amen. Voilà, maintenant nous allons demander à nos invités, deux charmantes belles dames, si je peux le dire. Voilà, elles vont se présenter. Je vais commencer par ma droite, madame. Mademoiselle. D'accord, mademoiselle. Je suis Ouedraogo Aimé Ange Marlène. D'accord. Étudiante en sciences du langage et de la communication, option sciences du langage. D'accord. À l'UAO. D'accord. Au sein du mouvement CVAV, je suis AA. AA. Oui, d'accord. AA. Association des amis, peut-être. Non, c'est un grade. C'est un grade, c'est-à-dire aspirante accompagnatrice. D'accord. Ah, d'accord. Aspirante, tu aspires à accompagner les gens. Exactement. Ah, les gens même dans la les rue. Les enfants. Ah, d'accord. Au sein du mouvement et de l'église en général. Ok. Donc tu peux m'accompagner aussi, c'est ça ? Il n'y a pas de souci. Là, tu es enfant. Hein. Ok. Bien sûr, et au niveau de notre activité, d'accord. Je suis membre du comité scientifique. Ok, membre du comité scientifique. Donc voilà, on va en revenir tout à l'heure sur cette activité qui approche. Vraiment. Voilà, à ma gauche, nous avons aussi mademoiselle, madame. Mademoiselle. D'accord, mademoiselle. Je suis Quadio Célestine. D'accord. Secrétaire générale adjointe des CVAV de Boaké. D'accord. Par ailleurs, étudiante en master 2 de communication. Wow. Et présidente du comité d'organisation de la 6e édition du Forum diocésain des AV. Des AV? Oui. Ah, c'est quoi AVC? C'est AVC. Monsieur Eric, AVE. AVE signifie âme vaillante. Ah, d'accord, âme vaillante. Oui. Ok. Et là-bas, vous êtes, vous avez quel grade? Je suis accompagnatrice. Accompagnatrice. Donc, on peut dire AC. AC. AC Quadio Célestine. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà. AC. Merci à vous, chères demoiselles. Merci à tous les responsables CVAV qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Voilà, à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons maintenant passer à notre première rubrique, lecture et commentaire de la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, Fatema. S'y colle. Allons-y. Tout à fait. D'accord. Le texte du jour est extrait de Josué. D'accord. Le chapitre 1. Le verset 7 à 9. Okay. Donc je reprends. Josué, le chapitre 1, le verset 7 à 9. Bonne écoute à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Tout à fait. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici ainsi lue la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, vous qui nous écoutez actuellement, la parole de Dieu est lue. Nous allons tenter ici de la commenter. Chez vous à la maison, faites pareil, car la parole de Dieu est la seule parole qui nourrit notre corps et notre âme. Dans quelques instants, le téléphone sera ouvert pour tous ceux qui aimeraient participer à cette émission. Vous pouvez appeler au 2x01 45 50 40 et le 05 86 06 48 63. Dans quelques instants, le téléphone sera ouvert. Pour l'instant, partage de la parole de Dieu. Fatem, toi qui as lu le texte, comment tu comprends ce texte et comment on peut partager avec tous nos auditeurs qui nous écoutent? D'accord, merci monsieur Eric. Faut dire que aujourd'hui particulièrement, quand j'ai commencé à chercher ce texte, parce qu'il faut dire que la recherche n'a pas été facile. Évidemment. Voilà. Donc, quand j'ai trouvé le texte, il m'a tout de suite parlé, en quelque sorte, si je peux le dire ainsi. D'accord. Parce que ce texte nous présente la figure d'un leader. Okay. Et ce leader n'est autre que Josué, qui a un esprit et qui a appris a servi comme un bon soldat, d'accord, un missionnaire fidèle, puis un serviteur loyal. On perçoit ceci plus particulièrement dans les premiers versets du chapitre 1, qu'on n'a pas lu, certes, mais il faudrait que les auditeurs puissent comprendre. D'accord. Et en plus de cela, on peut voir Josué comme un serviteur leader parce qu'il a toujours été humble. D'accord. Il était prêt à servir les autres en comptant sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment souligner. Il servait les autres en comptant sur la grâce de Dieu. Ok. Et on pourrait comprendre ainsi que le véritable leader doit avant tout être un disciple. Un disciple. Tout à fait. D'accord. Un disciple, une personne dépendante de Dieu. Okay. Parce qu'il ne faut pas agir selon sa propre volonté, mais selon la volonté de Dieu pour être un bon leader. D'accord. Selon les préceptes que nous demande le Seigneur. Ok. Car les leaders sont des gens qui n'ont aucun problème à servir les autres. D'accord. Et je dirais aussi qu'ils présentent la figure d'un leader courageux. Ok. Courageux en ce sens où dans Josué 1, le verset 9 qu'on a lu tout à l'heure, nous comprenons que le leader n'est pas un flemmard. Oui, c'est pas un paresseux. D'accord. C'est pas un plaintif aussi. Donc, il ne se plaint pas toujours. Tout à fait. Il ne manque pas d'initiative, bien au contraire. Okay. Le leader est celui qui est prêt à se lever et à aller combattre. D'accord. C'est la figure de Josué qui nous est présentée aujourd'hui. Parce que quand on lit le chapitre, ne pas dire le livre de Josué, c'est tellement une belle personne dont on devrait s'inspirer. D'accord. Donc, il faut comprendre enfin que le monde nous proposera sûrement une manière de diriger ou de conduire les choses. Mais le véritable leader, c'est celui-là même qui se laisse inspirer par le détenteur de toute autorité et puissance, à savoir Dieu. Ok, ce leader qui se laisse inspirer par Dieu. Tout comme tout on fait. A un long programme aujourd'hui, je vais permettre à notre AC, Quadio, AC Célestine, c'est ça? Voilà, elle va en quelques petites minutes aussi nous dire ce qu'elle a compris pour nos auditeurs qui nous écoutent. Je tenais à dire que ce texte est vraiment édifiant et inspirant pour nous les jeunes. D'accord. Parce qu'il nous permet de comprendre plusieurs choses. Okay. Ce texte nous demande de marcher selon la voie de Dieu. Mm-hmm. Et l'activité que nous organisons, c'est-à-dire le forum des AV, va dans cette même veine. Okay. Mm-hmm. Donc nous sommes ravis d'avoir partagé ce texte avec vous. Mm-hmm. Excusez. Mm-hmm. Et nous en tirerons bonne leçon et nous en ferons bon usage. Ok. Vraiment. Merci assez. Merci à tous nos auditeurs qui sont avec nous, qui sont installés, parce que l'heure du salut, c'est une famille, c'est quelque chose qui est inspiré de Dieu, comme l'a dit Fatem. Donc, on ne cessera jamais de le dire. À la maison, partout où vous êtes, lisons la parole de Dieu, ouvrons la Bible, lisons-la et partageons ce que nous avons compris avec nos frères et sœurs. Ouais. Bien-aimés de Dieu, on va s'oxygéner un peu avec Varus qui nous chante Zikbe Beignon. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous sommes de retour sur notre plateau après Varus qui chantait Zikwe Bénion. Nous allons maintenant entrer de plein pied maintenant dans le thème de ce jour, leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente et du jeune chrétien en milieu scolaire et associatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais maintenant m'adresser à notre AA. Alors, comment on peut freiner les grossesses précoces en milieu scolaire et associatif? Bon, déjà, à l'école, on constate que les cours sur la santé sexuelle est initié, en fait. D'accord. Donc, c'est déjà un grand pas. Ok. Mais nous, à notre niveau aussi, nous, c'est vrai que nous sommes dans le cas de l'église, mais nous ne sommes pas exclus de la société. Donc, on essaie, tant bien que mal, de recadrer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et nous-mêmes également, parce que l'éducation nous concerne tous. Exactement. D'accord. Et on organise des séances peut-être d'écoute, de sensibilisation. D'accord. Pour d'abord écouter et ensuite tirer des conclusions à partir desquelles nous pouvons donner des solutions à faire. D'accord. Ça peut être par exemple des séances de sensibilisation, des conseils et tout. Des coachings, quoi. Des coachings aussi. C'est ça. Pas d'accord. Exclu. Ok. Si vous me permettez, monsieur Eric, moi j'aimerais savoir, si possible. Hein. Vas-y. Oh, d'accord. Tout à l'heure, on a parlé la question qui lui était adressée, c'était de savoir comment freiner le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire. J'aimerais savoir, mais quelles peuvent être les causes de ces grossesses-là, en fait? Parce que peut-être nombreux de jeunes filles peuvent ne même pas connaître les raisons et peut-être vont s'adonner à ça et puis les conséquences, ce sont les grossesses. Alors que voilà. Donc on va permettre à Célestine, si elle peut nous répondre. Merci pour tes questions, pour ta question du moins. Je dirais que les causes des grossesses en milieu scolaire, il y a d'abord le fait que les filles soient beaucoup envieuses. Parce que nous avons remarqué que la génération actuelle, nous aimons faire comme nos amis. Si je vois que ma camarade a attrapé un sac Gucci, je veux en avoir. Pas de publicité, s'il te plaît, sinon on va passer à la caisse. Non, quand même, d'accord. Donc, voilà, un sac d'une grande marque, elle va vouloir faire comme elle. Et peut-être, elle va aller dire à son copain, moi, ma camarade a un tel sac, comment moi je vais pour l'avoir? D'accord. Elle va aller coucher avec lui et peut-être juste après ce rapport sexuel, elle aura de l'argent pour s'acheter un sac. Aussi, il y a le fait des moyens financiers. Il y a certains qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ces personnes-là préfèrent aller s'adonner au rapport sexuel, avoir quelque chose. Oui, en gros, la prostitution, n'est-ce pas? Bon, en griffe, si on peut le dire ici. Et après cela, contracter une grossesse, étant élève, et tout ça joue sur les parents et elle-même son avenir. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons retenir des causes. Je veux aussi ajouter quelque chose qu'elle a dit. Il y a aussi le manque de communication et d'information parents-enfants. Enfants, surtout ça. Parce que déjà, on se dit que la sexualité, c'est un sujet tabou. Actuellement, surtout que nous sommes en Afrique, quel parent va venir, quel moment va venir s'asseoir avec sa fille pour lui dire, c'est vraiment rare. Donc on va dire que c'est maintenant que les parents commencent à prendre conscience de ce fait-là. Donc ça fait que la jeune fille, elle a peur d'approcher sa maman pour lui dire, peut-être telle personne me fait des avances ou bien telle personne dit ça. Donc c'est un peu compliqué, elle est obligée de se gérer elle-même, d'apprendre dehors. Et généralement c'est après les conséquences qu'elle comprend la leçon. Voilà, donc j'aimerais cette partie-là où tout en dit, les parents, il n'y a pas de communication entre parents et enfants. Nous, on est chrétiens. Pensez-vous que, une jeune fille peut venir s'asseoir avec sa maman chrétienne, tout, pour dire, Y me drague, ceci, cela, j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Comment est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que c'est aux parents de créer le cadre propice pour pouvoir permettre aux enfants d'échanger. Parce que lorsque le cadre n'est pas créé, les enfants, eux, ils préfèrent se confier à leurs amis dehors. Et en fonction des conseils que leurs amis leur donnent, ils suivent cela et ils avancent. Pourtant, si les parents eux-mêmes s'ouvrent entièrement, ils arrivent à échanger avec leurs enfants comme des amis, des partenaires, ça peut passer sans souci. Là, les conseils peuvent être bien... C'est-à-dire que les parents même doivent être les premiers amis de leurs enfants. Oui, c'est une question. Et puis, c'est aussi une question de base. D'accord. D'accord. C'est depuis la base que tu dois créer la confiance entre ton enfant et toi. Tu ne veux pas attendre quand l'enfant a peut-être 15 ans, 16 ans, venir t'asseoir, ma fille. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Déjà, dès le bas âge, quand l'enfant quitte à l'école, est-ce que tu prends la peine de savoir ce que la personne a vu dehors? D'accord. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Vraiment. Ok, donc cette question découle d'une autre question. Mm-hmm. Quels sont les moyens que la société et l'Église possèdent pour pouvoir sensibiliser à c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, mm-hmm. à quels sont les moyens que l'Église et la société ont pour vraiment sensibiliser? Bon, je pense que déjà, au niveau de l'école, l'école prend ses dispositions. Voilà, en organisant peut-être... généralement, quand on voit à la fin d'année, il y a peut-être une kermesse qui est organisée et on a le temps de débattre sur certains thèmes et tout. Oui. Voilà, ça, c'est ce que, on va dire, l'école la société ou l'école peut faire. Voilà. Maintenant, au niveau de l'Église, il y a les mouvements. Il y a beaucoup de mouvements à l'Église aujourd'hui. D'accord. On a le temps là-bas de répondre aux questions, de créer le cadre entre les jeunes, les causeries entre les enfants, les causeries débat, pour pouvoir répondre et tant soit peu les aider à trouver des solutions à tous ces fléaux-là. Et comme, même si nous sommes à l'Église, il y a aussi les parents qui jouent aussi un rôle essentiel. Oui. Voilà, donc on essaie de faire entre griffes ce que les parents ne font pas à la maison, à l'Église. Par exemple, chez nous, au CVAV, quand on arrive, on a le temps de prendre les nouvelles des enfants. D'accord. C'est vrai qu'on se voit une seule fois dans la semaine, ce n'est que peut-être soit les samedis ou les dimanches. Mais on demande à l'enfant comment ta semaine s'est passée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, est-ce que tu as vu, voilà, il y a tout ça. Il n'y a pas la manière de dire. Il n'y a pas de sujet tabou. Pas plus tard que le samedi dernier, sur ma section, on a eu ce débat-là. Est-ce que si quelqu'un te dit faut faire ci, qu'est-ce que tu dois... Ils savent tout. D'accord. Ils savent tout. Donc, il est conscient que... Reste pour m'a dit, si je sens et qu'un tonton me touche ici, je dois dire. D'accord. Là, c'est pas... Donc, je crois qu'il y a ces méthodes-là. Mais j'ai une question, monsieur Eric, si allons-y. Vous me permettez. Allons-y. Est-ce que dans votre élan de vouloir apprendre aux enfants, voilà ce qu'il faut faire face à certaines situations, est-ce que les parents ne constituent pas une entrave? Parce qu'il y a certains parents qui n'acceptent pas que l'enfant apprenne ces choses-là dehors. Ils sont vraiment carrés dans la tête. Pour, excusez-moi pour le mot, ils sont vraiment très rudes, très durs. Voilà. Du coup, l'enfant quitte dehors à la réunion de CVAV. Il rentre et puis il est tout enthousiaste. Il va voir maman. Ah, maman, voilà ce que j'ai appris. Ah, dit bien. Ah, c'est dit que si quelqu'un me touche ici, là, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas un parent? Les parents ne sont pas un peu trop à cheval là-dessus avec vous? On va demander assez de réponses. Je pense que c'est une question de logique. Mm-hmm. Parce qu'au mouvement, lorsque nous finissons la réunion avec les enfants, nous menons des phases où nous partons rencontrer les différents parents de ces enfants. Oui. Parce qu'un parent ne peut pas confier son enfant à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Oui. C'est ce que nous avons pu remarquer à l'Église. Donc, nous essayons de partir vers les parents pour qu'ils puissent nous connaître. Là, si le parent te connaît, lorsqu'il vient, il envoie son enfant et en rentrant à la maison, l'enfant lui dit, maman, reste pour m'a dit si tonton fait ci, de ne pas faire ça. L'enfant, le parent est en confiance. Il sait au moins que le responsable lui a donné des conseils à suivre. Oui. Donc, ce que nous faisons d'abord, c'est de se faire connaître par les parents avant de conseiller les très enfants. Très histoire d'instaurer une confiance. Tout à fait. Voilà. Alors là, on va continuer notre déroulement. Et la question qui vient, bon, voilà, elle me gêne un peu, mais bon, on est dans la même mouvance. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les jeunes sont sexuellement actifs assez? Oui, on pourra dire que les jeunes sont sexuellement actifs. Pourquoi? Au sein du mouvement, nous avons pu constater que l'année surpassée, il y avait 26 cas de grossesse. En milieu scolaire ou à l'église? Non, au sein du mouvement CVAV. Waouh, vous jouez pas. L'année dernière, il y a eu 21 cas de grossesse. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes assis, le comité a réfléchi dans ce sens-là. Et c'est pourquoi nous avons voulu instaurer ce thème pour pouvoir sensibiliser nos jeunes frères et nos jeunes sœurs pour qu'ils puissent arrêter d'être sexuellement actifs. Mais est-ce que c'est bien d'être sexuellement actif en tant que jeune chrétien? En tant que jeune chrétien, ce n'est pas du tout conseillé. C'est pas, c'est pas chrétien même. Voilà. Ça rentre parce pas que dans l'église les normes. Prône l'abstinence. C'est ça. Et j'allais en venir même, monsieur Rick, si vous me le permettez allons-y. Est-ce que vous pensez que en donnant ou en présentant les moyens de contraceptifs, ne va pas emmener même ces jeunes à qui on veut inculquer une certaine abstinence à aller à l'encontre des préceptes de l'Église. En fait, nous ne faisons pas l'apologie des méthodes contraceptives. Oui. Nous éduquons les jeunes à travers les... comment je dirais cette phrase, ce mot-là? Nous éduquons les jeunes pour ne pas qu'ils puissent s'adonner à 100% aux relations, aux rapports sexuels. D'accord. Comme la Bible dit, je vous instaure, il y a le bien et le mal. Je vous instaure. Oui. Bon, je vous devez plutôt à choisir le bien. Donc, là, nous invitons ces jeunes-là à ne pas être tout le temps dans les rapports sexuels, mm-hmm. mais plutôt se concentrer sur les études et lorsque le moment viendra, continuer avec. Vous aurez forcément le temps de le faire, mais pour l'heure, on vous demande tout simplement de s'abstenir. Voilà. Voilà. Et encore une question. Allons-y très rapidement. Voilà, vu qu'on dit que le mal est déjà fait, ils sont déjà dedans. Comment est-ce que vous, quelle est votre technique d'approche pour ces jeunes-là, pour un jeune par exemple, qui est hyper actif? Je prends l'exemple de Monsieur Eric. Monsieur Eric est un jeune homme, il est hyper actif, il ne veut pas lâcher l'affaire, la viande. Et vous venez lui dire comme ça, Monsieur Eric, en fait, c'est bon, faut te concentrer sur tes études. Bon, vous savez que c'est un peu paradoxal, quelqu'un qui est déjà dedans. Quelle est votre technique d'approche? Comment est-ce que vous faites ça? On ne peut pas freiner quelque chose tout d'un coup comme ça, de manière brusque, venir dire à quelqu'un arrête ceci, c'est pas bien. C'est avec le temps, en lui montrant les risques de ce que cela peut provoquer, en conseillant cette personne, être auprès de lui, en lui conseillant que cela peut s'arrêter. D'accord, voilà, on va avancer. Voilà, tout à l'heure Alvina a parlé de contraceptif. Voilà, est-ce que, connaissez-vous les méthodes contraceptives, bien sûr, que les jeunes utilisent fréquemment? Oui, lors de nos consultations foraines, il en est ressorti plusieurs. D'accord, lesquels? Entre autres, les préservatifs, les stérilets, l'implant, les pilules. Les pilules. Voilà. D'accord. C'est généralement, c'est ce qui est plus ressorti. Monsieur, à ce niveau, encore, j'ai encore une autre question, si vous me le permettez. Allons-y. Voilà, on est chrétien. Et dans la loi de l'Église, c'est pas bien d'utiliser des moyens contraceptifs. C'est pourquoi on dit que le Seigneur nous demande de se reproduire. Voilà. Non, mais on se reproduit dans le foyer, dans le mariage. Voilà. C'est un sondage qu'elles ont eu à faire. Oui. Voilà, qu'ils ont eu à faire durant le mouvement CVAD. J'en viens. Voilà, ma question est la suivante. Quelle est, au fait, on dit que les stérilés, les trucs, tout ça, c'est pas bien. Et donc, moi, je pense que peut-être là. C'est... Appel. Ah, il y a un appel en cours. Allô? Bien-aimé de Dieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, frère? Oui, Dieu fait grâce. À qui ai-je l'honneur, frère? C'est Raoul Thio, CVAV. Raoul Thio, CVAV. Bienvenue dans l'heure du salut. Frère Raoul, vous avez entendu le thème de cette émission? J'ai plus l'émission en cours. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente et du jeune chrétien en milieu scolaire et associatif. En une minute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En une minute, je dirais que la question de la sexualité qui paraissait hier comme un sujet tabou pour nos parents, est aujourd'hui, je dirais, qu'on appelle monnaie courante. D'accord. Nos enfants, nos adolescents, nous constatons qu'il y a des adolescentes de moins de 12 ans d'ailleurs qui sont en contrat de grossesse. Et même parfois des adolescents qui sont auteurs de grossesse. D'accord. Je me rappelle l'année dernière d'une histoire qui s'est passée dans une école ici à Boaké, un élève de CM2, qui était auteur d'une grossesse d'une jeune fille. Alors donc c'est pour dire que la question de la grossesse aujourd'hui, il faut en parler sans confiance. D'accord. Mais à côté de cela, la question du leadership, aujourd'hui le leader c'est qui? C'est celui qui est un modèle. Donc il faut présenter des modèles de jeunes qui ont réussi à pouvoir s'adonner aux textes comme nous sommes chrétiens. Alors donc des jeunes chrétiens qui ont réussi à vivre l'abstinence ou du moins qui se sont préservés jusqu'au mariage. D'accord. C'est vrai que c'est pas on ne va pas le dire tous les jours, mais il y a quelques exemples. Et aussi des jeunes qui étaient dans la question du sexe, mais qui ont pu s'en sortir de cela et aller être des leaders, des pères de famille, des mères de famille, des enfants. D'accord. Voilà un peu de choses. Donc aider les jeunes aujourd'hui, les outiller, l'argument nécessaire et faire d'eux, quand on parle de leaders, faire d'eux des champions et championnes en matière d'éducation sexuelle. D'accord. Pas des champions sexuellement, des champions sexuels, d'accord, mais des champions en matière d'éducation sexuelle. Des personnes qui prennent leurs camarades, repoussons notre premier rapport. Ou du moins, préservons-nous aux yeux du Seigneur pour qu'on soit tout beau, tout beau, tout belle. Oui. Notre femme, on découvrir, on dénicher et faire de nous des hommes et des femmes bien-aimés. Ok, merci beaucoup, le frère. On va vous permettre de penser à deux personnes, le frère. À deux personnes, je dirais que je salue chaleureusement la marraine de l'émission de Boaké, la maman Solal, et tous les CVAV qui sont dans notre diocèse. Et dit merci au comité d'organisation qui se bat pour que cette édition soit une réussite. Merci beaucoup, le frère. Le frère CVAV. Raoul Othio. On va vous laisser partir avec cette chanson de Dena Moana qui chante Je bénirai l'Éternel. Merci beaucoup, frère. Wiki FM, la radio jusqu'au bout du monde. Allô? Oui. Bien-aimé de Dieu, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Nguessan, j'appelle de Tola. Monsieur Nguessan, depuis Tola, merci beaucoup d'être dans l'heure du salut. Aujourd'hui, notre thème leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente et du jeune chrétien en milieu scolaire et associatif. On vous écoute sur notre thème. Merci pour la thématique. Merci. Mais je crois que c'est un sujet important qu'on doit traiter d'accord au quotidien. D'accord. Et on constate qu'aujourd'hui, c'est devenu une actualité même pour nos jeunes aujourd'hui. C'est pas facile de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui parce que c'est devenu comme une coutume. Les parents, il y a écouté un peu oui. La dame qui était sur le plateau qui disait que. Mais c'est insuffisant, ce que vous faites, c'est insuffisant. D'accord. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour faciliter la santé sexuelle aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, on ne contrôle plus les parents. Monsieur travaille, madame travaille. Mm-hmm. Souvent, on laisse l'enfant à la maison avec la bonne. Oui. Mais la servante, excusez-moi, la servante avec l'enfant. Oui. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Vous venez derrière, vous venez à la maison, vous dites, ah, bon, l'enfant, qu'est-ce que tu as fait? Mais. La personne peut dire autre chose à la fille, elle peut dire autre chose à l'enfant. Si elle dit, moi, faut pas lui dire ça à un frère. Donc, tu vois, donc, c'est de creuser encore. C'est de creuser encore, de trouver encore d'autres voies et moyens. D'accord. Pour réorienter nos enfants, pour réorienter nos petits frères qui, en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu une coutume pour cette façon de faire. Ok. Vous voyez, c'est pas intéressant. Mais j'ai une question. Je demande à ce plateau de vraiment de faire un effort. De nous donner encore plus d'informations, donner encore plus d'ingrédients que nous, parents. C'est vrai que nous, on n'a pas le choix. On travaille, madame travaille. Mm-hmm. On n'a pas le choix. Waouh, monsieur, on a perdu monsieur Nguessan depuis tôt là. Vraiment, merci à vous, monsieur Nguessan, on vous a entendu. Monsieur Eric, si vous permettez, allons-y. Par rapport à un fait que monsieur Nguessan a eu à relever, je pense qu'il n'a pas peut-être forcément bien saisi. C'est vrai que les AC, les AA ici présents sur ce plateau vont nous donner d'amples explications. Mais moi, je pense que ce qu'elles ont voulu dire en disant qu'elles communiquent avec les enfants, c'est dire qu'il ne faut pas attendre que l'enfant grandisse. D'accord. Déjà, même quand l'enfant commence à parler, il faut instaurer. Et moi, je sais qu'au sein du mouvement CVAV, parce que moi, je suis de la paroisse Saint-Martin. D'accord. Et souvent, monsieur Eric, il y a un appel en cours. Ok, allô? Allô? Oui, allô? Je pense que c'est monsieur Nguessan. Bien aimé de Dieu, c'est monsieur Nguessan. Oui, je suis de retour. Voilà, merci, vous êtes là, voilà. Bon, avec vous, on va vous demander, vous avez parlé de moyens. Est-ce que vous pouvez nous donner un moyen pour freiner ces grossesses précoces en milieu scolaire? Pour aider dans la lutte. Pour aider vraiment les CVAV. C'est pourquoi j'écoute votre émission, parce que moi, je n'arrive pas. D'accord. On comprend maintenant. Nous aider. Ok. Vous voyez, parce que moi, on n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps pour être amené avec vos enfants, malheureusement. On n'a pas le choix aussi pour travailler. D'accord. Oui. Ok. Moi, je demande à madame pour qu'elle me donne plus d'informations parce qu'on puisse aller avec la servante. Et malgré ça, il y a autre chose. En tout cas. Moi, j'ai besoin de ma demande à mon fils. Qu'est-ce que tu as fait? On l'a dit tout à l'heure sur le plateau. Oui. Mais il dit autre chose. En réalité, deux choses se font dans le noir, comme on le dit. Et moi, je ne sais pas. Et c'est plus tard, après que je découvre cela. Ok. Donc, vraiment, je veux dire que c'est insuffisant pour ceux qui donnent un peu de mon parent qui, malheureusement, on va dire que nous, malheureusement, qui travaillons, n'a pas assez de temps pour nous, de faire nos enfants. Ils sont aujourd'hui en phase avec cette actualité-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Maintenant, on a un peu ça, ma préoccupation. Ok. Pour nous aider. Voilà, et c'est aussi l'importance de cette édition qui vient nous aider dans le quotidien de notre. Dans votre tâche. Voilà. Merci, monsieur Guessant, depuis tôt là. Et moi, je vous dirai plutôt que le 6 mai, dès 7h du matin, au niveau de la cathédrale de Boaké, il y aura vraiment un grand événement. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements sur vraiment comment freiner les grossesses précoces en milieu scolaire et associatif, faites un tour du côté de la cathédrale le 6 mai et vous aurez de plus amples renseignements. Merci à vous, monsieur Guessant. On va remonter un peu la musique d'Ena Moana, Je bénirai l'Éternel. Dena Moana, que nous chantons sur ce plateau, Je bénirai l'Éternel. C'est cette chanson qui est prévue pour nos dédicaces. Vous pouvez maintenant appeler au Alvina. Eh bien, chers auditeurs de la radio Québec FM, amis fidèles de l'émission L'heure du salut, oui. Pour nous joindre ou laisser votre réaction sur le sujet du jour, faites-le à partir du plus 225 2 x 01 45 50 40 ou le plus 225 05 86 06 48 63. Merci Alvina et Fatem. Voilà, sans oublier qu'ils peuvent également laisser des réactions via les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube en tapant dans la barre de recherche Gbeke FM tout simplement. Vous pouvez également télécharger l'application via Play Store ou App Store. D'accord. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos avis. Voilà, merci beaucoup les filles. On va poursuivre. On va juste tirer une petite question dans la réaction de Monsieur Guessant. Oui. Il a parlé des parents qui n'ont pas le temps. Comment on gère ça? AAC AP. Bon, voilà. En passant, nous saluons AP Igor, c'est ça, non? Oui, voilà. Est souffrante. Elle est souffrante. On lui passe le coucou. Mais je sais que dès ce soir, elle va se lever parce que l'Éternel Amen. A déjà fait son boulot. Amen. Allons-y, on répond à la question de M. Guessant. Bon, pour répondre à M. Guessant, je pense que le fait de ne pas être à la maison toujours n'est pas une excuse de ne pas pouvoir communiquer avec l'enfant. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, tout est une question de base. Okay. Tout est une question de base. Qu'est-ce que tu as dit à l'enfant? Qu'est-ce que tu as fait pour créer la confiance entre toi et l'enfant? Il doit lui-même se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il pense que l'enfant ne va pas être honnête avec lui? D'accord. Qu'est-ce qui freine cette communication-là? Donc déjà, depuis... Si c'était possible, j'allais demander l'âge de l'enfant. Mais déjà, une fois que tu sais que l'enfant commence à communiquer avec les gens de dehors, il faut déjà créer le cadre. D'accord. Tu viens, même si tu viens à la maison, même si l'enfant dort, mais tu peux peut-être t'asseoir auprès à son chevet pour lui dire peut-être une phrase, deux phrases. Dans son sommeil, il sait, il va sentir ta présence. D'accord. Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup d'attention. Okay. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Okay. Donc, il faut créer cette base entre toi et l'enfant, la base de la communication. Ok. Mm-hmm. Donc, si je te comprends, moi, je suis un père, je ne suis jamais là. J'arrive à 23h30, ma fille est couchée de 6-7 ans. Et quand j'arrive, je rentre dans sa chambre. Allô, ma fille, elle dort, hein, voilà. qui t'a touché aujourd'hui? Non! Okay. Donc, Tu es rentré du boulot. Oui. Même si, bon, tu ne peux pas parler avec elle, lui demander comment s'est passée sa journée. Puisqu'elle dort. Donc, okay. Tout doucement dans son oreille. Mm-hmm. Ah, papa est rentré. J'espère que tu as passé une bonne journée. Ah, dors bien, d'accord. Que Dieu te protège. À demain. Okay. Ce genre de petites phrases, en fait. Okay. Même si l'enfant dort, mais dans l'esprit, la personne va sentir qu'il y a une présence auprès d'elle. Et il y aura forcément un jour, elle ne sera pas endormie profondément. Et quand je serai en train elle va se chuchoter dans ses oreilles. Et je veux dire aussi que, c'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une excuse. Il a les parents qui sont à la maison 24 heures sur 24 qui n'arrivent pas à cadrer les enfants. Ça n'empêche pas l'enfant de faire des bêtises. C'est une question d'organisation. C'est, okay. C'est une question de responsabilité. Est-ce que lui-même, il est conscient de sa responsabilité vis-à-vis de l'enfant? Ok. Un additif à ce qu'elle a dit. Oui. En plus de parler à l'enfant, même si vous rentrez tardivement, je ne sais pas de quelle confession religieuse M. Nguessan est, mais si vous faites partie, par exemple, des églises, vous pouvez emmener l'enfant à être... Il y a un appel en cours, M. Eric. Allô? Allô? Bien-aimé de Dieu, bonsoir. Décidement, M. Nguessan, il est là. Ne lâche pas le morceau. M. Nguessan est revenu. Alors, M. Nguessan, on vous écoute. Le thème m'intéresse bien. Elle a en train de donner des stratégies. J'écoute bien. D'accord. Je l'écoute. Ok. Mais vraiment, il faut dire que ce n'est pas facile. Ok. C'est clair, M. Nguessan. Quand on a un enfant un peu brouillon, par exemple. Vraiment, courage à vous. Courage à vous, M. Nguessan. C'est CVAV. Voilà, un enfant qui vient taper son père. Wow. Ah. Déjà... Oui. Mais l'enfant, il a quel âge, M. Nguessan? Il a un an, 7 mois. Non, mais c'est sérieux, mais c'est sérieux. Attendez. Non, c'est pas normal. Un enfant de 1 an, 7 mois, on vous voulait lui parler déjà. Quand j'écris sur lui, oui. Il vient, il me tape. C'est pas normal. Non. Oh, mais c'est un bambin. Oh, monsieur Nguessan, je vous comprends. Bon, c'est pas normal. Laissons monsieur Nguessan terminer rapidement. Quand je réplique, il a dit aussi, c'est comme s'il me tape aussi. Il me tape. Vous voyez? Vraiment. C'est pas facile. Un enfant comme ça, comment, c'est pas facile, hein. C'est sérieux. Comment je vais arriver à parler à l'enfant? Même si voilà, il est couché, comme elle a dit tout à l'heure, mm-hmm. dans l'oreille de l'enfant, quelques mots pour dire que je suis là, mais est-ce qu'on peut dire aux enfants que vous ne me taper la nuit? Monsieur Eric, j'ai une proposition à faire à Monsieur Nguessan. Ok, Monsieur Nguessan, vous allez écouter cette proposition d'Alvina et puis on va poursuivre. Monsieur Nguessan, vous savez, les enfants sont ce qu'ils sont, hein. Étant petit, on a tous, d'ailleurs, même c'est la réaction que la majorité m'a eue au studio ici, on a crié oh, c'est un enfant. Mais attention, parce que c'est comme ça qu'on devient brigand, c'est comme ça qu'on devient irrécupérable. Bon, l'enfant copie c'est qu'il voit. Effectivement, l'enfant du coup, copie. Si on tu va laisser Alvin aller rapidement. Je dis que c'est une bonne chose. Ça veut dire que je deviens brigand, c'est ça? Non, monsieur Nguessan, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Du coup, je veux dire quoi? C'est en laissant certaines choses que l'enfant prend ça comme habitude et puis on ne peut plus s'en défaire. Et donc, qu'est-ce que je propose? C'est que vous... Et étant un enfant, c'est vrai, on sait qu'il a 1 an, 7 mois, il est très petit. Oui. Mais là, vous pouvez imposer une certaine autorité. Moi, j'ai une petite sœur qui n'a que peut-être 2 ans. Il y a encore une même qui a 5 mois. Mais quand elle me voyait, elles sont contentes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des amusements entre elle et moi. Mais du coup, comment j'arrive, je suis là. J'impose une certaine autorité. Quand elle lève la main, je dis, on ne fait pas ça. J'ouvre grandement les yeux et je serre le visage. Je ne tape pas parce que c'est un enfant. Mais il faut que l'autorité soit au rendez-vous. C'est pas d'accord. parce que l'enfant tape, on sourit, on tape aussi. Non, il va faire. Hein. Et puis tu penses qu'il va pas taper. Il va taper. Il pense que c'est un jeu. Il croit que c'est un jeu. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine autorité. Mais ça, voilà, l'autorité ne doit pas empêcher votre amour pour lui. Autorité ne veut pas dire être dictateur ou criminel. Voilà. Ok, voilà, merci Alvina. Monsieur Nguessan, on va dire merci encore parce que nous sommes pris par le temps. Suivez-nous parce que. Ah, c'est qui aimerait ajouter un petit truc. Bon, rapidement, parce qu'on va poursuivre. On a encore 2-3 questions à poser à nos invités. Ce que je peux conseiller à M. Nguessan, comme on le dit en Afrique, un enfant, lorsqu'il naît, il est pour toute la société, mais pas pour une seule personne. D'accord. Donc, quelle que soit l'église ou je ne sais pas s'il est musulman, mais il peut envoyer l'enfant à des mouvements ou des associations religieuses. Mm-hmm. Parce que là-bas, ça va lui permettre de vivre avec les autres, de copier le comportement de certains. Quand il va voir que d'autres viennent... Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Même, je l'envoie une fois à l'église. Mm-hmm. C'est un fond de Didi B. Vous voyez, on sort à l'église, vite, ça n'intéresse pas. Ça, Didi B, chérie Coco, Coco. J'ai comme l'impression que M. Nguesso aussi n'est pas si patient que ça. Il faut être patient, je les filles, je vous dis merci. M. Nguesso, merci à vous. Soyez patient et courageux. Voilà, voilà. Tout à l'heure, elles vont vous donner plus d'ampres renseignements sur cet événement qui arrive. Merci beaucoup à M. Nguesso. Et ça, on va poursuivre. Et là, rapidement, d'accord, je vais demander à AC de nous parler de ce grand événement qui arrive. C'est quoi déjà? Et tout ce qui est autour, parlez-nous un peu de ça. D'accord. L'activité que le mouvement CVAV organise, c'est le Forum diocésain des AV. D'accord. Le Forum des AV, c'est une activité que nous organisons chaque année. Okay. Dans les départs, au départ, l'activité, c'était pour promouvoir le leadership féminin, amener la jeune fille à pouvoir parler en société et ne pas être marginalisée. D'accord. Et cette année, depuis l'année dernière, nous avons voulu joindre les hommes à cette activité dénommée Forum des AV. D'accord. Et l'activité se tiendra ce 6 mai. Okay. Nous invitons à la cathédrale de 7h à 17h. 7h à 17h. Tout à fait. D'accord. Il y aura des panels, des conférences, des focus group, des enseignements, la messe et tout ça. Ok. Donc, nous allons demander à AA si elle peut revenir là-dessus et puis inviter encore M. Nguesso à prendre part à cette activité qui aura lieu le 6 mai. Bon, comme AC Célestine l'a dit, c'est une activité qui concerne les adolescents, les jeunes filles, les jeunes garçons, surtout qui déjà sont ancrés dans la chose, dans la sexualité, comme on dit. Mm-hmm. Donc, on aura le temps là-bas de poser des questions et en même temps de répondre aux questions de ces jeunes-là. D'accord. Donc, ça sera, comme on dit, un carrefour. Mm. On aura le temps là-bas de se parler, de dire ce qu'il y a à dire à travers les différents thèmes qui seront développés, les focus group. D'accord. Voilà, donc on invite M. Nguesso ce samedi-là. C'est vrai qu'il est encore petit, mais déjà, il pourra prendre, comme on dit, un peu, un jus de ce qu'il en ressortira de ce rassemblement-là. Voilà. Donc, plus tard... Donc, c'est ce samedi. Le samedi 6 mai. 6 mai. À partir de 7h à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. D'accord. Et la participation est de 1000 francs. Ah, pour l'entrée, c'est 1000 francs. 1000 francs. À 1000 francs, vous avez droit, c'est déjà la participation, droit au kit. D'accord. Du forum. Et puis, parce qu'au sorti de là, il y a une attestation, un certificat. D'accord. Qui est donné et le repas. Ah, d'accord, c'est le ça qui fait les kits. Le petit déjeuner et le déjeuner. Okay. Tout est inclus dans les 1000 francs. Tout est inclus dans je les 1000 francs. Je pense que c'est vraiment très abordable. Oui. Okay. Et à saluer même d'ailleurs, fait, parce que vous pensez aussi aux poches des parents. Vraiment, parce que 1000 francs, on sait qu'aujourd'hui, pour nourrir quelqu'un, il faut plus de pendant 10 heures de temps, 1000 francs, c'est peu. Mais vraiment, merci à vous. Et voilà, je voulais dire, voilà, quelles sont les personnes qui sont attendues? Les parents peuvent venir? Les personnes étrangères peuvent venir? C'est quoi ce qui vient? Nous attendons tout le monde à cette activité. D'accord. Les jeunes, les parents, les associations. Okay. La radio BKFM est aussi invitée. D'accord. Les amis, les élèves, les étudiants, tout le monde. D'accord. Sans exception. Ok. Donc, on va monter un peu la musique pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis, on va juste revenir pour conclure cette belle émission. Wiki FM, la radio jusqu'au bout du monde. Voilà, de retour pour conclure notre émission L'Heure du Salut. Je rappelle à tous nos auditeurs qui nous écoutent, les frères en Christ, les sœurs en Christ, que nous sommes avec les CVAV qui sont venus nous parler de leadership et le droit à la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente et du jeune chrétien en milieu scolaire et associatif. Ma dernière question avant de passer au mot de fin, comment vous allez faire pour prendre en charge tous ces adolescents? Il paraît que vous allez prendre en charge 300 adolescents. Comment vous allez le faire? Pour la prise en charge de ces 300 adolescents, nous avons mené plusieurs activités. D'accord. Dont le dépôt des courriers pour des demandes d'aide financière. D'accord. Et nous attendons toujours le retour, mais nous donnons la certitude, la confirmation que ces 300 personnes seront prises en charge. OK. Les 300 personnes seront prises en charge. Est-ce qu'il y a un critère de prise en charge ou bien c'est ouvert à tous les jeunes? Ou bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un âge? Pas du tout. Tu te sens jeune, tu peux venir à l'activité. D'accord. Si tu es concerné par la question, Je parle plutôt de la prise en charge. La prise en charge. Pour les 300 adolescents. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut, par exemple, je ne sais pas... Être chrétien? Est-ce qu'il faut forcément être CVAV? Voilà. Est-ce qu'il faut forcément être... Non, pas du tout. Ils touchent toute partie, toute zone de la société, n'est-ce pas? Parce que même les CVAV payent leur participation. D'accord. Voilà. Tous les participants du monde. La population jeune est la cible, n'est-ce pas? Ok. Alors, donc, voilà, les filles, on va rapidement conclure cette émission. Le mot de fin va revenir à nos deux invités. Mais à Alvina, je vais demander de penser à une seule personne aujourd'hui, rapidement. Une seule personne. À mon collègue, à mon associé depuis le Burkina, Martial Béni. Martial. Sois béni, mon fils. Ok, sois béni de l'autre côté. Et Fatem, une personne. Comme ça, je pense à Eunice Tagro. D'accord. Voilà, elle est en anglais. Ok. Lui à Oubaki, donc je pense que c'est bon comme ça. Ok, merci les filles. On va maintenant demander à nos deux invités leur mot de fin. Je vais commencer par, voilà, de vous deux, qui est le plus gradé, AA ou bien AC? C'est AC qui est gradé. Ok, donc on va commencer par AA. AA, votre mot de fin, et vous pensez à trois personnes. D'accord, donc comme mot de fin, je voudrais inviter tout le monde. Je voulais inviter tout le monde à prendre part à l'activité parce que c'est une question vraiment essentielle. D'accord. Et je pense qu'on pourra, chacun pourra ressortir avec quelque chose qui lui sera utile pour l'avenir. Et je pense que, monsieur Eric, on devait demander leur contact aussi à la fin. Hein, parce que, voilà, donc, comme pour des personnes qui aimeraient participer à l'émission, au forum, pardon, oui. Voilà. Donc, à la fin, AC va donner le numéro. Donc, on termine rapidement ici. D'accord. Donc, on voudrait déjà saluer Madame la ministre Madame la ministre de la famille, de la femme, de la famille et de l'enfant. D'accord. Qui a accepté de parrainer cette activité là. D'accord. On voudrait aussi saluer notre cher papa Ape Raoul Thio. Okay. On lui dit vraiment merci pour tous ces sacrifices. Merci Ape Raoul. Il est salué et depuis la position. On voulait aussi saluer Apeléa, qui est la coordonnatrice de cette activité. Ok, merci à vous et vraiment que Dieu bénisse cette activité et Amen. Bénisse toujours les œuvres que vous faites pour les enfants et pour toute la jeunesse. Amen. Voilà, assez, votre mot de fin, comme trois personnes. Mon mot de fin, je voulais dire aux jeunes que la société de demain, c'est nous. D'accord. L'avenir de demain, c'est nous. Ok. Donc, si nous menons une vie saine, nous aurons un avenir meilleur. Okay. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde à nous rejoindre ce samedi du côté de la cathédrale. Okay. Pour cette activité-là. Ok. Voilà, des contacts qu'on peut laisser. Le contact, c'est le 07 57 75 22 28. On peut reprendre ça pour nos auditeurs. Voilà. 07 57 75 22 28. Ok. Pensez à trois personnes. Ou bien allons-y. Ou le 07 47 24 78 33. Mmh. Reprends le dernier numéro. 07 47 24 78 33. D'accord. Rapidement, trois personnes. Trois personnes au comité d'organisation de la 6e édition du forum, à l'aumônerie diocésaine des CVAV de Boaké. D'accord. Ainsi qu'à tous les CVAV de la région du Bekin. Voilà. Moi, je pense à AP Igor. Voilà, prends rétablissement encore à toi. à tous les CVAV, à toute la jeunesse, nous vous disons merci. Merci de vous retrouver le 6 mai dès 7h du matin au niveau de la cathédrale pour vraiment aller écouter, car l'avenir, c'est vous. Sur ce, nous disons merci à nos deux filles, Alvina et Fatem. Ah ben je vous en prie, à mardi prochain. Hein. C'est normal. Bien sûr, comme même d'habitude. Lieu, même heure. Voilà, et on ne cessera jamais de dire merci à notre frère Abdoul qui oui, a suivi. Voilà, le Abdoul. Blanc qui assure toujours la mise en onde. Merci, Abdoul. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'était l'heure du salut du 2 mai 2023. Sur ce, nous vous disons que Dieu Tout-Puissant bénisse vos concessions, vos foyers, toutes vos activités. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye-bye. Ciao. La radio jusqu'au bout du monde. Partager la bonne nouvelle de l'évangile du Christ en montrant le chemin de la vie éternelle et être en communion parfaite avec le Christ est notre priorité. Tu es là et... Tu es là-haut. Eric Okwame, le serviteur infatigable du Seigneur, vous donne rendez-vous tous les mardis à partir de 17h dans votre émission chrétienne, l'heure du salut. Rediffusé le dimanche à 20h sur la radio BK FM. Ensemble, proclamons la bonne nouvelle de l'Évangile dans votre émission chrétienne, l'heure du salut.